version originale du film. Choisi ne m'a pas vaincu, ni blessé, ni infirme. Aucune sortie, aucune chance, même infime. Trois petits points rouges sur ta mélanine. Caché dans la moiteur, l'univers végétal. Débarqué du cosmos, physique, digital. Décharge, pack de CD, au Tibet, au Sinaï. Auditeur fasciné, plus d'erreur maximale. Hors ligne, hors cadre, hors champ. Pas de voix nasillarde à la déchance, c'est tranchant. Tu déchantes comme un vigile à Auchan. J'ai perdu Auchan, Predator, oui, on est méchants. Les hommes sont des tarés, ce sera donc mes proies. Je débarque d'Amazonie, je kick comme à Détroit. J'analyse leur folie, je les observe des toits. Leur jeu d'hégémonie, mais dis-moi, qui j'ai mis, qui fesse-toi. J'ai bastonné alien, en équipe comme des hyènes. Fétide haleine de cadavres et de peines. Hémoglobine, ça saine, ça astraine. Comme un rap français en sursis qui n'en vaut pas la c'est peine. Surtout dans la jungle, old school comme Rumble. Joue pas le fou, t'es pas fou. Cœur trop seul, frisson, grosse gueule. Masse de décibels dans les gorges, les rivières, les fougères, les congères de poubelles. Predator, aucune pitié pour ceux qui causent à tort. Fou support pour les heures qui balancent leur port. Un coup sec, un coup de tête, un bout de lait trop foulé. Un bout de steak contre roulette, un coup de bec, un coup de maître. Predator, sorti des 80s. Les tempes grises comme Danny Glover. Même sous la banquise, fight the power, pas de sauveur. Les totems, les calibres ne peuvent rien contre moi. Kamel est au planqué juste à côté de toi. Tu me sens pas et tout à coup je marche sur les toits. Le résultat, une équipe de MC aux assois. J'suis de la canopée, j'suis refait, j'suis dopé, j'sais rappé. Estropié, développe mes stratégies sans dropper ni copier. Sans la jouer amicale, amicale, c'est mon genre de trophée. C'est pas la loi de Murphy, c'est l'anarchie. Un bordel organisé depuis l'espace et l'infini. Acide comme le liquide dans mes veines dévernies. Ça éclabousse, t'es brûlé et pourtant tu souris. On travaille en équipe. L'un repère, l'autre est triple, un cisaille. L'autre médite, battu d'hommes fragiles. Paysage névrotique, l'obs de Rastaman sur larynx robotique. Aucune échappatoire possible, tel un four. Tout va cramer sans justice et sans amour. Au pire, sur mon bras, j'amorce le compte à rebours. Tu sens venir la fin comme un roulement de tambour. Les hommes sont souvent faibles et aiment à ce qu'on les dresse. C'est terrible, c'est minable. C'est terrestre, c'est taré, s'entretue. On traque tout juste les restes. Mais la chasse est vitale, est tribale et céleste. Predator, aucune pitié pour ceux qui causent à tort. Full support pour les heures qui balancent leur port. Un coup sec, un coup de tête, un bout de lait trop foulé. Un bout de steak contre roulette, un coup de bec, un coup de maître. Predator, sorti des 80s. Les tempes grises comme Danny Glover. Même sous la banquise, fight the power, pas de sauveur.